Chapitre 2. Qu'est-ce que c'était? L'oncle Jerry se renversa confortablement dans son fauteuil, plaça ses béquilles à ses côtés, quitta son large chapeau de Quaker et se mit à dénouer le ruban blanc qui réunissait par derrière ses longs cheveux argentés, une réminiscence de la vieille passion militaire. Tout à coup, dans la pièce voisine, s'éleva le tintement d'une vieille horloge, silencieuse depuis plus de 12 mois. 1, 2, 3. Puis un long silence. 1, 2, 3. Encore une pause. 1. Et ce fut fini. Ce carillon inattendu était si grinçant, si bruyant et tellement sinistre que chacun leva la tête et regarda avec étonnement du côté où pareil bruit venait de surgir. 7 seulement, fit l'oncle Jérémia en sortant de sa poche un oignon de type antédiluvien. Pourquoi le vieil horloge parle-t-il ainsi après avoir été muet si longtemps? Je pense qu'il a perdu l'esprit. Moi aussi, dit la tante Sarah, je ne l'avais point entendu bavarder ainsi depuis le jour où nous avons enterré la femme du ministre qui logeait précisément dans cette chambre. Et vous, Lucie, l'avez-vous entendu? Non, tante Sarah, et je suis sûr que depuis lors il n'avait pas sonné. Ouais, continua l'oncle Jérémia. Moi je dis que c'est un peu étrange. Mistress Moody ne mourut-elle pas juste au bout de 7 jours, femme? Certainement, au moment même où l'horloge tintait. Et que dites-vous de cela, Master Burley? Je trouve que c'est une singulière coïncidence. Mais comment se fait-il que l'horloge sonne après un si long silence, hein? Oh, les enfants y ont fourré la main, j'ose le dire. Et moi, je jurerais que Jerutty Jane Pop a planté son doigt dans le pâté. Elle se trouve toujours mêlée à quelque sottise, dit la tante Sarah. Oui, mais comment arrive-t-il qu'il a sonné juste 7 heures? Demanda Lucie. L'explication est facile, répartit le maître d'école. L'enfant a lancé la machine dont les aiguilles se trouvaient sur 7 heures-là. Pauvre moi, dit l'oncle Jérémia. Je suis si éveillé en ce moment que si je me mets au lit, je ne pourrais fermer l'œil. C'est un fait, père, répliqua sa femme, que toute la nuit vous avez été agité. L'orage a bien su nous tenir éveillés. Mais que vais-je faire si le voisin Smith ou le voisin Hanson étaient plus proches? Nous ferions une partie d'échecs. Ha ho, ajouta-t-il en bâillant, et jetant une de ses béquilles à terre. À ce bruit inusité, le chien leva la tête en grognant. Ensuite, il agita la queue, mais discrètement, car il ne lui fit frapper que 3 coups sur le plancher. 3 coups solennels, comme s'il eût répété une leçon donnée par l'horloge. « C'est pitié, Iri, continua le brigadier, que tu ne saches pas jouer. Toi dont le père était de première force. » Le maître d'école sourit. « Peut-être pourrais-tu faire une petite partie si je te rendais un pion ou deux, hein ?»« Non, merci. Je ne reçois jamais de tels avantages. Si je joue, c'est au père. »« Oh, oh !» répliqua le vieillard. « Je t'entends. Tu aimes l'égalité, hein ?» Et il tira l'échiquier à lui pour y placer les pions, tout en souriant malicieusement. Master Burley se plaça vis-à-vis de lui avec un sérieux imperturbable. La partie commença. Mais après quelques coups, le brigadier qui, d'abord, avait joué négligemment, se mit tout à coup à hésiter. Au contraire, son adversaire, après avoir méticuleusement serré son jeu, était arrivé à s'emparer du milieu de l'échiquier. Dès lors, il marcha rapidement, serrant de près le brigadier, sans lui laisser le temps de respirer. De leur côté, la tante Sarah et Lucie avaient entamé à voix basse une conversation qui s'animait au fur et à mesure que le jeu captivait les deux partenaires. La tempête redoublait de rugissements. Bientôt, le brigadier commença à donner des signes de malaise. Il s'agitait sur sa chaise, se pinçait le menton, respirait bruyamment, écartait les jambes et ne dissimulait point qu'il était mécontent de lui-même. Au moment de jouer, et pendant que son imperturbable antagoniste l'attendait patiemment, il resta en méditation, l'index posé sur un pion, ne sachant qu'en faire, et craignant de l'avancer. Après avoir changé 2 ou 3 fois d'avis, il retira vivement la main, renversa d'un coup de pied son petit banc, après cela il parut respirer plus à l'aise. « C'est à vous de jouer, sœur, » dit paisiblement le maître d'école. « Jouer, où donc? Ah, je vois. » « Mais suis-je forcé de jouer ?»« Certainement, vous savez qu'on ne souffle pas à ce jeu-là. » Le brigadier joua, affectant un air mystérieux et satisfait, en homme content de dresser un piège. Cette mimique aurait presque trompé sa femme, belle joueuse avant son mariage, si en regardant son mari elle n'avait pas surpris comme un nuage errant sur ses traits inquiets, elle en conclut qu'il avait de graves appréhensions à l'issue du combat. En effet, la partie se termina en quelques coups. L'oncle Jerry n'eut que le temps de se débattre, tant bien que mal. Son flegmatique adversaire perdit volontairement 2 pions, mais avec les 3 qui lui restaient, en rafla 5 au brigadier vaincu. La tante Sarah, stupéfaite, regarda son mari. « Où diable as-tu pris ce coup-là, Iri ?» demanda le brigadier en tourmentant la grosse chaîne de sa lourde montre et en se détournant pour éviter le regard de sa femme. « C'est le plus beau que j'ai vu de ma vie. » « C'est mon père qui me l'a appris, sœur. »« Je le crois, oui, je le crois. Ou bien que je sois pendu. Mais puisque tu joues si bien, comment la passion du jeu ne te tient-elle pas ?»« Cela m'épouvante de jouer, sœur. J'ai peur de moi. D'ailleurs, cela me prendrait beaucoup de temps et interromprait mes études. »« Très bien, Iri, mais je voudrais avoir le secret de ce coup-là. Veux-tu me donner revanche ?»« Avec plaisir. » Une nouvelle partie commença. Pas un mot ne fut échangé. Jusqu'au moment où le brigadier, relevant soudainement la tête, demanda « Femme, où est donc cette peste de Luther ? Je ne l'ai pas vue aujourd'hui. » La tante Sarah reconnut à l'intonation que le jeu n'allait pas au gré du brigadier, et répondit doucement « Il est allé chercher les bestiaux, père. »« Les bestiaux dehors, par ce temps sombre, et cette tempête effrayante ? C'est là votre jeu, Iri ?»« Non, sœur. Voilà, » répondit le jeune homme en désignant le pion qu'il venait de mouvoir. « Et quand est-il sorti, mère ?»« Au point du jour, » murmura Lucie appuyée sur la table, faisant signe à l'oncle Jérémia et fixant les yeux sur Burlet, qui, la tête dans les mains, attendait qu'il plût au vieillard de jouer. « Oui, père, il est sorti avant le jour et depuis lors n'est pas rentré, » ajouta la tante Sarah. « Voilà un coup chanceux, mère. » Le brigadier regarda sa femme avec une expression comique de perplexité, hésitant à jouer, et roulant un pion entre le pouce et l'index. « Je n'ai point lâché la pièce, Iri, vous le voyez, » dit-il. Le maître d'école fit un signe d'assentiment. La tante Sarah opéra une diversion en faveur de son mari. « Quoi qu'il en soit, les vaches sont dehors par la nuit noire, » poursuivit-elle. « Dehors, la nuit ? Est-ce possible, femme ? Qui les a détachées ? Où est Pelletia ?» Nulle réponse ne fut faite. « Il n'est jamais là quand on le cherche. » « Jouez-vous, Iri, voulez-vous ?»« Elles ont passé par la cour des vaches, suivies de toutes les génisses, » ajouta Lucie. « Après avoir défoncé la clôture, elles se sont dispersées dans les bois. »« Elles ont eu une frayeur, peut-être. »« Le cousin Luther l'a dit, » ajouta Lucie. « Pas les ours, peut-être, » dit la tante Sarah. « Quelle bêtise, mère. Est-ce que les ours bougent en hiver ? Ce serait plutôt des loups. Voici le moment où l'on voit par ici le grand loup blanc du Canada. » Le cousin Luther a entendu crier les petits porcs et grogner la vieille truie. En même temps, il s'est fait un tumulte dans la laiterie. Aussitôt, il a sauté hors de son lit pour voir ce que c'était. Mais quand il est arrivé, les vaches, les veaux avaient disparu. Il n'était resté que les petits porcs, la vieille truie, les bœufs, Black Prince et la jument grise. Et qu'a-t-il fait pour savoir la cause de toute cette frayeur ? A-t-il découvert des traces ? Impossible de rien voir, une neige fine et serrée couvrait tout en tombant. D'ailleurs, les bestiaux, en se débattant, avaient piétiné partout. Il n'y a eu moyen de rien découvrir. L'oncle Jerry devint soucieux et pensif. D'un mouvement brusque et qui semblait involontaire, il renversa l'échiquier en bouleversant les pions avec une brusquerie qu'il n'avait jamais manifestée vis-à-vis d'un hôte étranger. Tout le monde le regarda avec surprise. Il resta un instant immobile et rêveur. Ensuite, il tirailla sa chaîne de montre, reboucha ses jarretières et se coiffa du surprenant bonnet de velours qui d'habitude couvrait sa longue et soyeuse chevelure blanche. Au bout d'un instant, il redressa sa haute taille et jeta les yeux sur un lourd fusil de la fabrique de Louisbourg, qui, suspendu à un gigantesque bois de renne, décorait le manteau de la cheminée. Cette arme, toujours chargée à balles ou à chevrotine, était constamment en état de faire feu. Ensuite, il alla à la fenêtre, sans se soucier de ses béquilles, et regarda d'un air de défi les tourbillons blancs que chassait l'orage. À ce moment, Lucie, terminant sa causerie avec tante Sarah, sortait pâle et inquiète, se dirigeant vers l'office. La vieille Sarah fit un signe au maître d'école. Ce dernier se leva aussitôt. Alors, tous deux entamèrent une conversation à voix basse, les yeux tournés vers l'oncle Jérémia. Après quelques mots échangés, le maître d'école parut terrifié et devint sombre et triste. Enfin, il poussa un long soupir, prit respectueusement la main de Tante Sarah et lui dit d'une voix tremblante « Je voudrais savoir si c'est bien la vraie pensée de Lucie. » « Oui, Master Burley. La pauvre enfant a lutté pendant 3 jours pour se donner le courage de vous parler elle-même. Elle n'a pu s'y décider. En présence de ce mariage projeté, après vous avoir vu si tourmentée, y arrivant de si loin. Elle aimerait mieux mourir, m'a-t-elle dit, que de vous parler de cela elle-même, car elle sait qu'elle vous brisera le cœur. C'est un grand chagrin pour moi, je vous assure, dit le jeune homme avec amertume. Mais il faut que je la voie, Tante Sarah. Il le faut. Si son langage confirme vos paroles, je la laisserai en paix pour toujours. Il y a là-dessous un effrayant mystère. Nous ne pourrons l'éclaircir qu'en nous rencontrant face à face. Si Lucie Day était une coquette évaporée, je lui dirais adieu immédiatement. Mais je connais sa fierté, son généreux caractère. Je serai prudent et patient avec elle. Tout cela vient de son éducation de couvent. Plus à Dieu qu'elle n'eût jamais vu Québec. J'avais de tristes pressentiments aujourd'hui. Sa conduite envers moi, depuis une semaine, a été bien étrange. Étrange, comment ? Je ne pourrais vous exprimer cela convenablement par la parole, Tante Sarah. Mais je suis sûr de ce que je dis. J'en ai perdu le sommeil, je ne dormirai plus. Vous avez, je pense, aussi perdu l'appétit, car ce que vous mangez l'un et l'autre ne soutiendrait pas un moineau. Vous avez aussi tous deux des absences d'esprit. Je vous vois souvent les yeux pleins de larmes. Et si je vous regarde à la dérobée, je vous vois toujours vous dévorant des yeux comme un chat fait d'une souris. » À ce moment, l'oncle Jerry revint de la fenêtre. La conversation cessa, et comme si elle eût exécuté un plan concerté d'avance, Lucie reparut. Elle était plus pâle encore, s'il eût été possible, mais calme et maîtresse d'elle-même, quoique ses yeux clairs eussent une expression de profonde tristesse alliée à une sorte de tendresse fière. Personne ne parla. Burley ne leva pas même les yeux et resta le visage enfoncé dans les mains, insensible à tout ce qui se passait autour de lui, incapable de dire un mot. Le brigadier, en passant, accrocha avec sa manche l'échiquier et renversa quelques pions remis debout. Il serait difficile de dire si ce fut fait exprès ou non. Après un long silence, le brigadier se pencha par-dessus la table, saisit une étagère portant la poire à poudre ainsi que le sac à plomb et d'un mouvement de sa large main, arracha les supports en faisant craquer la planche. Sa femme et Lucie reculèrent effrayées. Le maître d'école ne vit et n'entendit rien. « Oui, cher, dit la tante Sarah, vous savez ce tapis que nous avons trouvé en lambeaux, comme si les chiens l'avaient écartelé et auquel j'ai travaillé tant l'été dernier ?»« Oui, eh bien, demanda Lucie en se rapprochant d'elle et grimpant sur un bloc pour mieux entendre la révélation que la vieille femme allait lui faire. Ah, si j'étais son grand-père, mais grâce à Dieu, je ne le suis point. Les choses iraient autrement. Je la fustigerais d'importance toutes les fois que je la trouverais en faute. Sur le foin, par exemple, avec les garçons, pour chercher les œufs, préparant des mensonges, prenant de la pâte pour se fabriquer des gâteaux. Cette petite peste feignante propre à rien. » Lucie hasarda quelques mots en faveur de la pauvre Geruta Jane, contre laquelle était dirigée cette sortie. Mais la grand-mère ne voulut rien entendre. En vérité, continua celle-ci, je vous le dis, Lucie Day, il est sûr qu'elle est toujours au fond de toute sottise. Aussi elle a des yeux égarés qu'elle roule comme si elle s'étranglait en avalant une pelote de beurre. À ce moment, Burley retira ses mains de devant son visage, et les deux femmes purent voir de grosses gouttes de sueur rouler sur ses tempes et sur son front. Il semblait prêter l'oreille. « Je ne vous comprends pas, Tante Sarah, reprit Lucie. Pourquoi ne m'appelez-vous pas grand-mère Lou ?»« Parce que tout le monde vous appelle Tante Sarah, cela vous rajeunit. » »« Bien, voici ce que je voulais dire, repartit la vieille femme en souriant. C'est Geruta Jane Pope qui a troublé les vaches et les a fait fuir dans le bois. » Et la Tante Sarah appuya cette opinion d'un pincement de lèvres et d'un hochement de tête fort significatif. « Oh, vous ne voulez pas dire... » « Bonté divine, et pourquoi aurait-elle fait cela ?»« Ce n'est pas par malice, je suppose, » dit ironiquement la vieille femme en lançant un coup d'œil à Burley. « Qu'est-ce que tout ça, mère ?» demanda l'oncle Jerry. « Qu'est-ce que tu marmottes, là ?»« Oh, nous ne pouvons nous entendre. Merci de moi. »« Qu'est-ce que tout ça ?»« les enfants, » répliqua aigrement sa femme en prenant sur ses bras un énorme baquet en bois. « Tiens, voilà la batterie de cuisine en train. » « Ou bien le nouveau miroir que vous m'avez donné, » murmura Lucie. Ou la vaisselle qui est sur la table, dans le vestibule, reprit tante Sarah. Enfant, hurla le brigadier, cesserez-vous ce bruit d'enfer? Ah, mes amis, s'écria la tante Sarah, écoutez. Un tumulte extraordinaire se faisait de nouveau entendre dans les escaliers, tantôt en bas, tantôt en haut, sans qu'on pût rien distinguer. La vieille femme voulut courir au travers des trognons de pommes, des tranches de citrouille, des paniers, des chiffons amoncelés et des pelotons de laine qu'elle ne put y réussir. « Allons donc, père, cria-t-elle d'une voix larmoyante, tu vois bien que je ne peux me dégager de tout ce qui est enchevêtré autour de mes jambes. « Ne te fâche pas, mère, répondit le brigadier en se hâtant lourdement de porter aide à sa femme, ne te fâche pas. » Mais il eut la main malheureuse. Plus il tirait de ci, de là, plus la tante Sarah était empêtrée. « Holà, holà, encore quelque chose !» lapit-elle exaspérée. La grande porte venait de s'ouvrir avec fracas. Des voix se faisaient entendre dans la cour, accompagnées de piétinements extraordinaires. Le tapage fut tel que Burley lui-même prêta l'oreille. « Tiens, c'est notre garçon !» s'écria l'oncle Jerry. « Par ici, Luther, par ici. C'est la bonne route, le chemin de la cuisine. » Des pas d'éléphant retentirent dans le vestibule. Et un gros garçon, enveloppé d'une grossière couverture de laine, fit irruption dans la salle, après avoir à demi enfoncé la porte d'un coup de crosse de fusil. En se secouant comme un ours, il fit voler autour de lui la neige dont il était couvert. « As-tu trouvé les vaches, Luther ?»« Oui, père, elles sont toutes ici, saines et sauves. Mais je jure que j'ai eu une fameuse corvée à les ramener, au milieu d'une tourmente pareille, sans personne pour m'aider. »« Personne? Pourquoi? Où est donc Pelletia ?» À l'école avec Lydie, je pense. Quelles frayeurs ont-elles donc eues, et qui peut les avoir détachées? Je n'en ai aucune idée, père. Les loups, les ours, insinua Lucie. Je ne puis dire. Je n'ai pu reconnaître aucune trace. La neige couvre tout. Il y en a bien 2 ou 3 pieds de haut dans les bois. Bien, bien, mon garçon, je suis content de te voir. Ça tire à marcher par ce temps-là, hein? Je le pense. Voudriez-vous me donner les haricots d'hier soir, mère? Lucie courut à l'office. C'est juste, enfant, on va te donner un bon souper. Du pudding et du lait, ou une bonne soupe blanche, ou du bon riz gras à l'indienne. Tu trouveras tout excellent, j'ose le dire. Débarrasse-toi de tes affaires, Luther, continua le père. Prends une chaise et assieds-toi. Mets-toi à ton aise, que diable. Ensuite, tu nous raconteras ton expédition. Oui, père, mais je voudrais savoir pourquoi j'ai entendu tant de bruit dans la maison, et ce que signifient les lumières que j'ai vues à toutes les fenêtres. Des lumières, aux fenêtres. Quelles fenêtres, Luther? Celles des escaliers, du grenier, de la façade de derrière, partout enfin. Le brigadier tourna vers sa femme des regards effarés. Ce sont ces petites canailles d'enfants encore, s'écria la vieille femme. Jamais on n'a vu de tels fléaux. Luther, jamais. J'en suis abruti. Dégringoler les escaliers, laisser toutes les portes ouvertes, jeter au père des boules de neige, faire des tours diaboliques pour vous effrayer, voilà leur vie. Et la bonne femme lança un regard sur Burley et sur Lucie. Cette dernière, après avoir mis la table, se tenait à quelque distance dans l'ombre, les yeux fermés mais écoutant avec attention tout ce qui se passait autour d'elle. Le maître d'école paraissait endormi ou absorbé dans les calculs métaphysiques. Son vieux livre, le vieux Pike, tout effeuillé, était resté ouvert devant lui sans qu'une page eût été tournée depuis la partie d'échecs. « Oh, ne demande rien à celui-là, dit l'oncle Jerry, répondant pour Burley à sa femme. Il ne sait pas ce que l'on dit autour de lui. On croirait que le tonnerre est tombé sur sa tête. » Le jeune homme sourit d'un air distrait. Mais il était facile de voir qu'il n'avait nullement compris les paroles du brigadier. Pendant ce temps, Luther s'était débarrassé de sa défroque neigeuse et s'était installé près d'un feu rôtissant, devant une collection de plats qui aurait pu suffire à un festin de famille. Le même tapage se fit encore entendre dans la maison d'une façon si bizarre qu'on put le croire partout et nulle part. « voilà encore, Luther, Lucie, courez, courez !» s'écria tante Sarah, cramoisie de fureur. « Je crois sur mon âme que la maison est hantée par les sorciers !» Aux exclamations de sa femme, le brigadier fit crier sa chaise à grand bruit, se pencha en avant, comme pour se lever, et satisfait de ce commencement de démonstration, resta les 2 coudes appuyés sur la table, étudiant avec inquiétude le visage de sa femme, pour savoir si elle était contente de lui. Puis, s'apercevant que personne ne faisait attention à sa pantomime, il se rassit tout doucement dans sa chaise et laissa les choses suivre leur cours. Cependant, il lui fallut s'ébranler enfin. suivant les ordres de sa mère et sur un signe de Lucie, Luther avait couru jusque dans la partie la plus obscure du vestibule, où le bruit paraissait le plus fort. Le brigadier ne put résister au désir de suivre son mignon et marcha vers lui, chevelure au vent, habit déboutonné, tenant en l'air une torche de pain résineux qui illuminait les moindres recoins. Chose étrange, on ne vit rien, on n'entendit rien, et pendant longtemps régna le plus profond silence. « Voilà qui me passe, je le déclare !» s'écria Luther en se retournant vers son père, comme pour lui demander une explication. Mais ce dernier, d'un air à moitié effrayé, moitié embarrassé, détourna les yeux, de manière à éviter les regards de son fils. Enfin, prenant son courage à deux mains, l'oncle Jerry se mit à crier « Enfant, enfant !» d'une voix formidable, qui dut être entendue à un demi-mille, malgré le grondement de l'orage. Aucune réponse ne fut faite. Alors, les deux hommes montèrent jusqu'à la porte de la chambre à coucher, l'ouvrirent doucement et écoutèrent. Au milieu du plus profond silence, ils n'entendirent que la respiration égale des petits dormeurs. Rien ne bougea autour d'eux. « Particulièrement étrange, Luther, hein ?» dit le vieillard. « D'où penses-tu que vienne ce bruit ?»« Il partait bien d'ici, père, juste de l'endroit où nous sommes, » répartit le gros garçon en se serrant contre son père, et parlant d'une voix chevrotante. Ils ne dorment pas, bien sûr, ces coquins d'enfants. Mais comment ont-ils pu se sauver dans leur lit, si vite et sans le moindre bruit? Voilà qui me paraît fort. Eh bien, père, demanda la tante Sarah en passant la tête par la porte entrebâillée et avançant une torche allumée, que regardez-vous là? Qu'attendez-vous? Je voudrais savoir ce que signifient tous ces chuchotements. Quel chuchotement, femme? Quel chuchotement? Vous êtes peut-être muet? Oh oui, j'entends, mais laisse-nous. Nous sommes sur la bonne voie. Quand la chose sera éclaircie, nous saurons quel est ce mystère. » Tante Sarah fermait la porte et retourna à ses pommes. « Luther !»« Oui, père. Je commence à croire que le vieux Scratch, le diable, s'en mêle avec ces chuchotements dont parle ta mère. « Je ne sais pas, père, je ne sais... » bégaya Luther, sentant ses jambes fléchir et ses genoux trembler. « Que voulait donc dire ta mère en affirmant tout à l'heure que la maison était hantée ?» « Je ne peux pas dire, père, mais quand on entend des bruits, incompréhensibles, c'est un fait, père. Depuis les vieilles guerres indiennes, on dit que la maison est... Ah, Seigneur, qu'est-ce que cela ? Quoi ? Où ? Luther, je ne vois rien. » « Non, père, murmura Luther en se pressant contre le vieillard, mais je viens d'entendre quelque chose comme des... murmures, des soupirs. Ah, Seigneur, encore !» Le brigadier bouleversé serra le bras de Luther en lui montrant la porte ouverte, de nouveau, et au travers de laquelle paraissaient les figures pâles, terrifiées de tante Sarah et de Lucie, qui se tenaient par la main. Pelletia, le pâtre, regardant par-dessus leurs épaules, faisait flamboyer sur le fond noir sa chevelure rouge et ébouriffée. Le maître d'école, se haussant sur la pointe des pieds pour voir par-dessus toutes les têtes, gardait un sérieux inexprimable, sans pouvoir toutefois dissimuler son étonnement. En effet, les murmures que l'on entendait un peu partout semblaient à la fois loin et près. On eût dit que l'air s'animait et se mettait à babiller mystérieusement. « Mais enfin, qu'y a-t-il, père? Qu'y a-t-il donc ?» demanda la tante Sarah en s'approchant d'un pas ou deux, pendant que Lucie, tremblante, se cramponnait à elle comme pour l'empêcher d'avancer. « Rien, femme, ce n'est rien, à la fin, » répondit son mari. « Ce ne sont pas les enfants, tu vois comme ils sont tranquilles. Mais ces chuchotements de voix, d'où viennent-ils ?» « Ah, par ma foi, je ne sais. On les entend à droite, à gauche, en haut, en bas, près, loin, tout à la fois, on ne trouve rien. »« Ce sont ces poisons d'enfants, j'ose le dire, » hasarda Pelletia avec de larges yeux effarés et un sourire nerveux. « Oui, de vrais petits bourreaux, » ajouta tante Sarah en retournant à ses affaires. « Mais je dis que Jerutha Jane Pop est au fond de tout ça. Vous allez vous en convaincre, père, si vous pouvez la surprendre. Montons à son perchoir. » »« Repose-t'en sur moi, femme. » « Je vais m'assurer de la chose. Vous autres, retournez à la cuisine. Fermez la porte et tenez-vous tranquille jusqu'à ce que j'appelle. Mais laissez-nous une chandelle. Prends-la, Luther, veux-tu ?» Et maintenant, continua-t-il à voix basse, « lorsqu'ils furent seuls, montons l'escalier. Ayons l'œil et l'oreille au guet. Sur ta vie, ne dis pas un mot à ta mère de ce que nous allons voir, hein ? Que dis-tu ? Je n'ai point parlé, père. Je croyais... On n'entend rien. On ne voit rien. » « Le mal n'est pas si grand que je pensais, » continua le vieillard de plus en plus troublé, entraînant avec lui le pauvre Luther consterné. « Ne bouge pas, Luther, ne souffle pas » murmura-t-il soudain. Le vacarme invisible et mystérieux parcourait de nouveau la maison, de la cave au grenier. « C'est incroyable !» dit le vieillard. Puis, prenant avec vivacité la chandelle des mains de son fils, il courut jusqu'au sommet de l'escalier, ouvrit brusquement la porte de la chambre et regarda le flambeau en l'air. Tout à coup, il se retourna comme si quelqu'un l'avait poussé par derrière. Deux ou trois voix paraissaient faire conversation dans l'escalier. Le brigadier confondu et Luther se regardèrent sans rien dire. Après un moment d'hésitation, les deux hommes coururent dans toute la maison avec une sorte d'égarement, poursuivis partout par ce fugitif et insaisissable tumulte. Las de cette recherche aussi fantastique qu'infructueuse, ils revinrent à la cuisine. « Eh bien, quoi de nouveau ?» demanda tante Sarah en leur ouvrant la porte. « L'avez-vous bien corrigé ?»« Qui ?»« Jerutha Jane. »« Oh, ce n'est pas elle !» Êtes-vous allé voir dans la chambre des autres enfants ? Non, répliqua le vieillard en adressant un regard à Luther. Mais j'aimerais mieux que tu y allasses, mère, mes rhumatismes. Bien, bien, je sais, alors repose-toi. Mais vous auriez dû vérifier de ce côté-là. J'y vais, moi, je verrai bien ce qu'ils font. Elle se mit en route, faisant craquer chaque marche sous le poids de sa lourde personne. Car c'était une puissante femme, moins ingambe que son mari, quoique beaucoup plus jeune que lui. Elle trouva ses enfants profondément endormis, soigneusement enveloppés dans leurs draps, quelques-uns même ayant la tête sous l'oreiller. Évidemment, ils n'étaient pour rien dans tout ce bruit. La prudente matrone, ne se fiant pas aux apparences, les éveilla d'autorité et les confessa sévèrement. Aucun d'eux n'avait bougé depuis la visite de la cousine Loulou. Mais tous se plaignirent d'avoir été effrayés par des bruits extraordinaires autour de la chambre, dans le grenier et la cheminée. Jerutha Jane, les lèvres pâles et montrant le blanc des yeux, déclara que son lit avait été houspillé et qu'elle avait vu quelque chose passer par la fenêtre. « Oh, effronté !» répondit la tante Sarah. « Va te coucher et laisse-nous tranquilles avec tes sottises. L'orage vous a tourné la cervelle à tous. » En redescendant, elle fit part à son mari de ce qu'elle avait constaté. Après quoi, elle s'assit, tout essoufflée, dans le grand fauteuil en cuir, envoya Luther balayer la neige amoncelée devant la porte d'entrée, et toute la famille resta pendant quelques minutes plongée dans un silence complet. Tout à coup, l'oncle Jerry releva la tête qu'il avait plongée dans ses deux mains et demanda quel quantième du mois on était. « Le 26 », fut-il répondu. « Le 26 février, le jour même où Miss Moody est morte, c'est ça ? J'aurais dû m'en douter. » Alors, joignant les mains pour prier, mais sans se découvrir ni se mettre à genoux, « Que le Seigneur soit miséricordieux pour nous et nous délivre des embûches de l'ennemi. » dit-il avec solennité. Un silence funèbre régna de nouveau. Il ne fut troublé que par la vieille horloge ressuscitée qui sonna 9 heures en 3 fois, avec des pauses, comme il avait sonné 7 heures. Chacun tressaillit. « Peut-être Master Burley sera disposé à prononcer quelques mots de prière ?» demanda Lucie d'une voix timide et hésitante. Burley regarda tante Sarah, mais ne trouvant dans ses yeux aucun encouragement, il se tourna vers le mari. « S'il te plaît, Iri, » dit le vieux brave en chevrotant. « Nous n'avons jamais eu autant besoin de prière, je peux le dire. » À ces mots, il quitta son chapeau, au grand étonnement de la famille. Le maître d'école tomba à genoux, inclina sa belle tête pensive et d'une voix très basse, fit une prière simple et courte, mais si touchante que des larmes coulèrent de tous les yeux.